Chapitre 3e. Madame Célestine Pichegru, connue dans les environs sous le sobriquet de Mère Moustache à cause des poils hérissés qui lui ombrageaient la lèvre supérieure, était depuis des années préposée officiellement à l'entretien du ménage de Séraphin Pervenche. Ses fonctions consistaient principalement à lui apporter, chaque matin, 2 croissants et 1 pot de café noir, puis à déplacer la poussière de son cabinet de travail d'un balai indolent. Le lendemain du jour où le rentier s'était mis au lit nanti du réconfort de la pharmacopée moderne, la femme de charge eut beau frapper à la porte de son patron, seul, un silence de plomb lui répondit. Inquiète, elle heurta le chambranle à coups de poing avec une telle vigueur que la concierge, bientôt alertée par le bruit, vint la rejoindre. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Bah, monsieur Pervenche ne répond pas, c'est bien la première fois que ça lui arrive. » Sans répondre, Madame Blanchette colla au trou de la serrure un œil indiscret. Elle ne vit rien, mais elle se redressa au même instant en manifestant une inquiétude réelle. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « ça sent le gaz. Courez vite chercher un serrurier, il n'y a qu'une seule clé, et elle est à l'intérieur. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux à monsieur Séraphin. » La mère Moustache ne se fit pas prier. Les catastrophes constituaient pour elle un divertissement de choix. Aussi dégringola-t-elle les escaliers de toute la vitesse dont ses jambes rhumatisées étaient capables. Elle se rendit tout droit au commissariat de police du quartier, où elle conta son histoire, avec grand renfort de gestes et d'onomatopées, à un gardien de la paix qui l'écouta en se curant les ongles au moyen d'une allumette. En entendant le mot « gaz », cet homme consciencieux décida d'en référer au brigadier. Ce dernier, soucieux de courir sa responsabilité, s'adressa au secrétaire qui, à son tour, préfère alerter le commissaire de police en personne. C'est ainsi que Madame Blanchette, qui attendait toujours devant la porte, vit revenir Célestine Pichegru à la tête d'un détachement de 4 hommes, un monsieur en civil, en qui elle n'eut aucune peine à identifier monsieur Chartier, le commissaire du quartier, un serrurier, reconnaissable à son sac à outils, et 2 agents en uniforme. Elle n'eut guère le loisir de commenter l'événement, car déjà le commissaire donnait ses instructions. « Forcez la serrure, » dit-il d'une voix brève à l'homme de l'art, « j'entrerai seul dès que vous aurez terminé. » Puis, se tournant vers la concierge, il lui demanda « Comment se fait-il que vous n'ayez pas le double de la clé de cet appartement ?»« Monsieur Séraphin Pervenche, » répondit l'interpellé avec dignité, « a fait placer la porte que vous voyez à ses frais. Il n'en existe qu'une seule clé. Il a insisté sur ce point lorsqu'il en a fait la commande. Puis, croyant tout expliquer, elle ajouta, respectueuse, « Il est rentier, faut pas l'oublier. » Le fonctionnaire de la police lui jeta un regard de pitié. Ses attributions lui avaient appris bien des choses, et il connaissait notamment l'inavouable profession de M. Pervenche, que dans le secret de son âme d'honnête homme, il souhaitait coffrer au premier faux pas. Il n'en eut d'ailleurs jamais l'occasion. La porte une fois ouverte, s'entourant des précautions qui s'imposaient, M. Chartier pénétra dans le cabinet de travail, dont il ouvrit la fenêtre toute grande. Il ordonna ensuite à la pipelette d'établir un généreux courant d'air, puis de couper le gaz au compteur de distribution, à la suite de quoi il alla découvrir dans son lit le cadavre du gentil monsieur qui dormait son sommeil éternel. La mort ne faisait aucun doute, mais ce qui parut étonner le commissaire, ce fut une protubérance qu'il remarqua au pied du défunt. Il la tâta, poussa une petite exclamation, embrassa d'un coup d'œil l'ensemble de la pièce, aperçut au pied du bureau la clé qui y avait, la veille, lancé Pierrot, puis l'appela le plus âgé de ses agents. « Dis donc, Jean, téléphone immédiatement au médecin et au parquet. Je crois qu'il s'agit d'une vilaine affaire. »« C'est-il pas un suicide ?» demanda son interlocuteur, légèrement surpris. « Ordinairement, as-tu déjà vu un type ouvrir le robinet du gaz, puis se coller au lit, une bouillotte au pied, se border comme celui-ci ? Non, vieux, cela n'existe pas. Il s'agit d'un accident ou bien d'un crime. » « Diantre. » « Et je penche plus volontiers pour la seconde de ces 2 hypothèses. » Ce n'est pas le père Pervenche qui a ouvert le robinet. On l'a fait à sa place. Cet homme-là avait pas mal d'ennemis. Il a fait de tout dans sa vie. Chantage, usure, escroquerie. Mais il était habile, prudent, et il connaissait son code. »